d'eau. Je suis calé comme un timbre dans son dos. Il m'emmène au rendez-vous de la Bastille. Il fait du gringue à presque toutes les filles. C'est dur car je me rends compte que dans son cœur, je compte pour du beurre. Devant ses copains, comme je suis assez mignon, il frime un peu, genre Sylvester Stallone. Je suis sa nana, sa ginette, sa gonzesse. Son affection, c'est sa main sur mes fesses. Mais je sais bien que sous son casque à 100 à l'heure, je compte pour du beurre. C'est comme quand on se retrouve au fond des draps. J'ai l'impression qu'il est pas avec moi. Il fait vroom vroom, il pense qu'à sa moto, à son carburateur, à son Delco. Il me fait l'amour la tête dans son moteur. J'en cours du beurre. Alors hier je lui ai parlé d'amour. Il m'a regardé, il s'est marré tout court. J'aimerais des mots et un foyer. Et sa bécane, c'est sa drogue, son ciné. Et je me suis dit, c'est pas encore mon heure. J'prends pour du beurre. Et moi, cette bécane, je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Je la trouve trop dure, trop snob et même trop fière. Il la caresse et ça, ça m'exaspère. Je craverai ses pneus, un jour je ferai son malheur. Je compte pour du beurre. Alors voilà, je vais m'habiller couture. Une robe très chic, des bas et une fourrure.